lointain passé de Marseille se dévoile sous la truelle des archéologues, mais aussi au fur et à mesure de l'aménagement de la métropole moderne. Marseille, c'est désormais l'arrivée de communautés néolithiques au 4e millénaire avant notre ère, près de la gare Saint-Charles. Rappelons au passage, et sous l'impulsion du commandant Cousteau, c'est aussi la naissance de l'archéologie sous-marine dans les eaux du Vieux-Port. C'est encore, pour moi, ces émouvantes pommes de pin rejetées par les flots sur une plage de l'âge du bronze. Mais Marseille reste avant tout l'incontournable première ville de France, celle-là même fondée par une communauté phocéenne, partie de la mer Ionienne. La création d'une cité grecque au cours du 6e siècle avant notre ère constitue bien entendu un cas unix, un apax, pour reprendre un mot grec, dans le paysage archéologique national. C'est donc autour de la Marseille archaïque que le magazine de l'archéologie de France Culture se consacre aujourd'hui avec Marc Bouillon. Bonjour. Bonjour. Conservateur en chef du patrimoine, mais aussi conservateur régional de l'archéologie, vous avez été archéologue de la ville de Marseille, comme de la métropole de Nice. À Marseille, on se souvient de vos fouilles, place du Général de Gaulle et de l'Alcazar, chantier dont nous reparlerons. Dans ce parcours professionnel, vous êtes aujourd'hui directeur scientifique de l'INRAP. Marc Bouillon, avant de plonger dans l'actualité marseillaise, revenons aux sources de l'archéologie, avec une archive du journal télévisé d'octobre 1967 et conservée par l'INA. La fouille de la Bourse qui révéla, non sans problème, quelques ruines antiques. Reconnues d'utilité publique, les fouilles du chantier de la Bourse à Marseille vont être poursuivies, amplifiées, et ce pendant une année. Tel est l'arrêté pris par M. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, et publié au journal officiel. Ces découvertes archéologiques sont très importantes, c'est ce que nous précisait le professeur Sénat, directeur des Antiquités Provence-Corse. On connaît depuis assez longtemps l'existence de vestiges archéologiques à l'emplacement de ce terrain dit de la Bourse à Marseille. En effet, on a retrouvé en 1913 un fragment de mur, que l'on a appelé alors mur de Crinas, et qui était considéré jusqu'à présent comme un rempart romain de la ville. Il a été publié comme tel, d'ailleurs tout récemment, par mon prédécesseur, M. Fernand Benoît. Nous étions loin, toutefois, de nous douter de l'importance des vestiges archéologiques qui se trouvaient dans ce terrain. Et les travaux entrepris par la Société immobilière de la Bourse et la ville de Marseille ont révélé non seulement les fragments de ce mur déjà connu, qui ont été remis au jour, mais également, sur un développement beaucoup plus considérable, les vestiges de l'ancien rempart grec de Marseille. C'est une découverte archéologique d'une importance tout à fait exceptionnelle, peut-être l'une des plus importantes que l'on ait faite depuis une dizaine d'années au moins en France. Afin que les Marseillais puissent se rendre compte de l'importance de ces découvertes, le public eut libre accès au chantier et des visites commentées furent organisées. Mais la question première était de savoir qui serait responsable des conséquences financières de la découverte des vestiges, plusieurs milliards étant investis dans l'opération Bourse, et si les fouilles seraient conservées, et en quel lieu. Monsieur Gaston Defer, député maire de Marseille, fait le point. Actuellement, après l'arrêté signé par monsieur Malraux et la lettre qu'il m'a écrite, la responsabilité financière de l'État est bien confirmée pour les Marseillais. C'est une chose très importante. Reste ensuite à savoir ce que l'on fera de ces vestiges. Bien, voyez-vous, aucun de ceux qui ont écrit ou délibéré ces derniers mois n'est capable de le dire, car il ne s'agit pas de trésors artistiques comme le Parthénon d'Athènes ou le Forum de Rome, mais de vestiges archéologiques. Il faut pour ça des spécialistes. Les spécialistes vont avoir le temps d'examiner les choses de près, ils vont pouvoir explorer le chantier et ils nous diront à ce moment-là si ces vestiges représentent une grande valeur et s'ils doivent être conservés. Comme on le dit maintenant à Marseille, même ceux qui n'ont pas appris le latin, in situ. La municipalité aura à se prononcer. La lettre de M. Malraux, qui a été publiée ce matin, est très claire à ce sujet. La municipalité sera consultée, j'espère, personnellement, que l'on pourra tout à la fois conserver les vestiges et poursuivre le programme de modernisation du centre de Marseille, car il ne faut pas oublier que si le passé est une chose importante, l'avenir compte aussi beaucoup, et que le devoir de la municipalité, tout en conservant les vestiges du passé, est de moderniser le centre de Marseille pour en faire la première métropole régionale. Marc Bouilleron, Gaston Defer le dit sans équivoque. Ce que vous fouillez, ce n'est pas le Parthénon, juste des vestiges archéologiques. Juste des vestiges archéologiques, mais c'est malgré tout le rempart et la porte d'entrée de la ville grecque, et ce n'est pas rien. Et ce sont les seuls vestiges monumentaux de cette période-là que l'on peut voir sur le territoire national. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et à écouter cet enregistrement, on voit tout le chemin qu'on a parcouru, et on dit souvent que ce chantier de la Bourse est un peu l'ancêtre de l'archéologie préventive que l'on connaît maintenant, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que d'empêcheur de construire, si on peut dire, les archéologues sont passés vraiment dans des phases en amont pour sauvegarder le patrimoine par l'étude, tout en laissant évidemment poursuivre l'aménagement du territoire. Ancêtre, vous disiez, mais ancêtre qui a failli être quand même détruit. Ancêtre qui a failli être détruit, alors pour plusieurs raisons, parce que c'est vrai que le mur a été trouvé en 1913, donc anciennement, mais au début, juste avant la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a eu des débats sur l'ancienneté, là, quand on entend, on parle d'un mur romain, et en fait, beaucoup ne croyaient pas à la datation grecque, qui avait pourtant été affirmée par Gaston Vasseur, qui était un archéologue précurseur et qui est mort durant la Première Guerre mondiale. Et après, il y a eu des débats, en particulier Eugène Duprat, qui est un érudit local, qui, pour lui, ce mur était moderne et n'était pas du tout antique. Et donc, il y avait un doute un petit peu sur l'ancienneté au moment où les travaux devaient démarrer. Mais dans tous les cas, il n'y aurait rien eu si le chantier n'avait pas été arrêté et la fouille entreprise véritablement. Alors ce rempart, il était grec, mais est-ce qu'il était archaïque? Est-ce qu'il datait du 6e, 5e siècle? Et non, ce rempart n'est pas archaïque, ce rempart est hellénistique. Alors dans les périodes, il y a la période grecque archaïque qui s'arrête en 480, ensuite on a la période grecque classique, puis la période hellénistique à partir de la mort d'Alexandre le Grand jusqu'en 49 avant Jésus-Christ pour Marseille. Donc c'est un rempart monumental, mais il se trouve que dans le même site, on a derrière le rempart hellénistique des fragments d'un rempart de la fin du 6e siècle. Donc si ce rempart-là n'est pas archaïque, en tout cas, il le jouxtait pour une partie. Puisque nous parlions du Parthénon, évoquons la fouille du collège Vieux-Port où nous nous sommes d'ailleurs rencontrés pour la première fois. Nous sommes en 2005 et un exceptionnel édifice grec est mis au jour et d'un luxe encore inconnu à Marseille. Alors c'est un édifice qu'on n'attendait pas parce que cette fouille, elle concernait le théâtre antique est un théâtre romain. Et en analysant les vestiges et puis en suivant les tranchées de récupération de l'antiquité tardive des murs romains, le fouilleur, l'archéologue Philippe Mélinan qui dirigeait le chantier est tombé sur des restes d'un monument grec archaïque des années 580-560 qui est effectivement des premiers temps de la fondation de la cité. Mais ce monument n'a pas été fouillé. En fait, on a fouillé les tranchées des murs. Les murs avaient été récupérés, les pierres avaient été récupérées. Donc on a pu avoir le plan de l'édifice. Mais par contre, l'État a voulu protéger le site et donc il y a eu un classement du site et le site a été préservé donc dans un bâtiment dédié et n'a pas réellement été fouillé. Donc on sait qu'il y a là un monument ancien, on a vu des fragments d'enduit peint, des choses comme ça, mais on n'a pas fouillé complètement et on laisse pour les générations futures du coup cette belle découverte. Alors il s'agirait d'une salle de banquet où venait se réunir l'élite de la cité grecque ? C'est en tout cas ce que semble indiquer le plan du monument. Donc, on sait que dans les cités grecques antiques, le symposium, le banquet est un élément extrêmement important. Et on a là probablement un monument qui permettait justement ces banquets de manière un peu officielle. Et on n'est pas dans un cadre privé d'habitat. On parle donc d'Estia. Torion, c'est bien ça? C'est ça, donc, tout à fait. On connaît ce genre d'édifice en Grèce? Assez peu. Alors, de manière générale, les édifices à période archaïque, on en connaît peu, parce qu'il y a eu évidemment une pérennité des constructions des différentes périodes. Et sur ce type de monument, de mémoire, il y a peut-être un ou deux exemples qui pourraient s'en approcher, mais non, ça reste relativement inédit. Ah, j'ai vu que la maison des prêtres à Delphes en possédait un, hein, ce qui est donc donne un peu l'importance des vestiges de Marseille. Contrairement à la Bourse donc de Marseille, cet édifice monumental a été immédiatement classé. Oui, alors ça a été une démarche qui a été entreprise avec les services de l'État et puis alors le département, puisque c'est un collège, donc ça dépend du département des Bouches-du-Rhône. Et donc on a eu une réserve archéologique qui a été constituée est là et donc quelque chose qui est préservé. Ce qui est assez rare à Marseille, alors on a la chance de faire des fouilles archéologiques régulières et ça là-dessus c'est un vrai progrès par rapport à ce qu'on peut voir pour la Bourse par exemple. Mais par contre la conservation des vestiges reste plus difficile et là ce site-là en tout cas a été préservé et donc on peut espérer un jour avoir une très belle fouille à Marseille sur un monument totalement inédit. Marc Bouillon, revenons sur l'origine de Marseille. Aristote, puis Troc-Pompée, nous raconte son mythe fondateur, le mariage merveilleux d'un jeune aventurier grec avec une belle celte, fondant la cité ionienne. Dans un esprit gaulois, Jean Chausserie-Lapré pense tout au contraire que cet événement ne s'est jamais déroulé à Marseille. Alors il y a un côté un peu provocateur, mais l'idée est très intéressante. Quand on fouille à Marseille, à l'exception des vestiges du néolithique, mais qui sont quand même beaucoup plus anciens et un peu excentrés, on ne trouve jamais aucun vestige antérieur à 600 avant Jésus-Christ sur le site même de la ville grecque. Donc il est vraisemblable que le site n'était pas habité au moment où les Grecs se sont installés. Donc forcément, si on se dit que les Grecs ont rencontré les peuples gaulois installés sur place et dans leur ville probablement, pourquoi ne pas les situer à Saint-Blaise, comme le suggère Jean Chausserie-Lapré. Donc est un site qui est à peu de distance, on va dire, quelque part de Marseille, même s'il n'y a pas de co-visibilité, mais qui a l'avantage d'être finalement situé entre la Calanque de Marseille et puis le Rhône, qui est quand même l'élément central, qui est la voie de pénétration principale à l'intérieur des terres et qui a dû amener les Grecs dans ces lieux. Donc pourquoi ne pas faire effectivement de Saint-Blaise peut-être un site des Ségobriges et donc qui aurait accueilli les marins grecs. Les marins grecs donc arrivent sur une sorte de terrain vierge, dont la baie d'ailleurs est bien plus grande que le Vieux-Port aujourd'hui, avec des zones marécageuses. Vous avez fouillé justement une partie de ces marécages et l'aménagement qui a été fait par les Grecs. C'est ça. Alors la partie nord et sud est relativement stable. Alors la partie nord, c'est progressivement, on va dire, rempli. Le port a diminué, mais ça, c'est des choses qui ont été fouillées autour de la mairie. Par contre, le fond du port, place Générale de Gaulle, on a retrouvé des restes de marécages qui ont été totalement stabilisés autour du 4e siècle avant Jésus-Christ, au début du 4e siècle. Donc une époque où les Grecs viennent mettre des grosses amphores, en fait, les jeter. Donc c'est contenant. À amphores, à vin, qui ont été jetés là pour stabiliser le terrain et ensuite il y a eu des remblaiements par-dessus. Et donc ce fond de port était effectivement marécageux avec, on l'imagine, mais on a du mal, en tout cas on n'a pas de traces archéologiques, une rivière ou un fleuve qui serait dans l'axe de la Canebière actuelle. L'implantation de Grecs donc dans la baie de Marseille est régie par un modèle, celui de l'emporium, emporia au pluriel. Marc Bouillon, de quoi s'agit-il ? Alors c'est le mode finalement privilégié par les Grecs, hein, qui est d'installer un comptoir commercial dans des terres qui sont en dehors du monde grec et d'avoir un commerce qui s'établit avec les populations qui sont établies alentour, mais également plus à l'intérieur des terres. Et la présence là des fleuves est extrêmement importante. On le voit sur la côte espagnole par exemple, au bord de l'Èbre ou dans des fleuves comme ça qui permettent une traversée vers l'arrière-pays et du coup des transports de biens entre l'arrière-pays et puis la côte. Et donc les Grecs sont là pour faire ce commerce-là. Et leur site, leur cité, au départ, est installée comme une sorte de petit comptoir commercial qui peut être éventuellement partagé avec d'autres, je pense aux Étrusques en particulier. Et puis ensuite, les choses peuvent se transformer, ce qui a été le cas pour Marseille. Cette fondation vers 600 avant notre ère est somme toute tardive dans le cadre de la colonisation grecque en Occident ? Elle est plutôt tardive puisque la colonisation en Grande Grèce, par exemple, donc l'Italie du Sud, commence dès le 8e siècle, même sur les côtes aussi africaines. Donc il y a effectivement une colonisation un peu tardive qui est une colonisation phocéenne d'extrême Occident, véritablement. Finalement, c'est une zone qui restait quasi inexplorée, on va dire. Le sud de l'Espagne était colonisé par les Carthaginois, donc très tôt, et les Étrusques étaient le long de la côte italienne en grande partie, donc qui restait finalement cette portion de territoire avec encore une fois le Rhône comme axe majeur. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Marc Bouillon, les bateaux grecs, nous les connaissons puisque nous les avons retrouvés dans le port antique sous la place Jules Verne et 8 mètres de sédiments, 8 mètres de vase. Alors, il y a deux bateaux grecs qui ont été retrouvés à cet endroit-là, qui ont été sortis, préservés, et qui sont présentés maintenant au musée d'histoire. Donc, deux bateaux évidemment exceptionnels, avec des techniques en particulier d'assemblage, avec des coutures, donc qui sont vraiment... Des bateaux cousus. Des bateaux cousus, voilà, et puis une technique un peu mixte qui montre la transformation. Tenons et mortaise. Voilà, c'est ça, avec tenons et mortaise. Mais ce ne sont pas les bateaux premiers avec lesquels les Phocéens sont arrivés à Marseille. Ce ne sont pas des pentécanteurs. C'est ça. 50 rameurs. Exactement, ce sont simplement des navires voilà, plutôt de commerce. Les navires grecs avec lesquels les Phocéens sont arrivés nous sont connus par contre par des représentations sur des blocs que l'on a pu retrouver. Justement, votre chantier de l'Alcazar a révélé des éléments gravés exceptionnels, dont un bateau. Voilà, dont deux bateaux, pour l'instant en tout cas dans ce qu'on en voit. Alors ce sont des blocs qui ont été retrouvés dans une partie de la fouille, la partie la plus éloignée du cours Balzens. Donc la fouille de l'Alcazar, c'est celle qui a précédé la construction de la bibliothèque municipale actuelle. Très belle fouille de 4400 mètres carrés et qui a révélé des vestiges depuis quasiment les premiers temps de la fondation de la cité, avec des carrières d'argile. Et dans une partie, donc le remplissage des carrières d'argile a été fait avec des gros blocs dont on s'est aperçu qu'au moins l'un d'entre eux avait des graffitis, avec des graffitis de bateaux qui ont été analysés par Patrice Paumet et qui a montré qu'il s'agissait bien des pentécontors phocéennes. Donc ils sont ces bateaux avec lesquels les Phocéens sont arrivés à Marseille et en tout cas navigués au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des bateaux de guerre aussi. Ce sont donc des représentations, des graffitis très anciens qui peuvent dater donc de l'origine des années 600. Alors c'est toute la question. On est en train de travailler là-dessus. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que le monument sur lequel étaient ces graffitis a été démantelé autour du début du 5e siècle avant notre ère, donc autour de 500-480. Donc forcément, les graffitis sont plus anciens. Donc on ne connaît pas la nature exacte du monument, on travaille là-dessus, mais c'est donc ces bateaux doivent remonter au 6e siècle avant Jésus-Christ. Les représentations sont anciennes. Donc on aurait quelque chose qui serait à peu près contemporain, en tout cas, de l'usage de ces navires. Et vous n'avez aucune idée de l'édifice ? On n'a pas vraiment d'idée. Ce sont des blocs assez étroits, donc on imagine que c'est une paroi qui n'était pas forcément très haute, sans doute qui ne supportait pas de toiture. Donc on a pensé à une exèdre qui permettait peut-être d'avoir du coup des faces internes qui auraient pu être décorées, ou une terrasse funéraire si le monument était un petit peu élevé. On voit que c'était établi sur la pente parce qu'il y a des différences de niveau des blocs de fondation. Mais on a sorti une centaine de blocs, donc on en a étudié une petite quinzaine là, et donc il nous reste les autres blocs à étudier. C'est tout un projet qui devrait normalement se mettre en place là dans les mois à venir. Ah, vous les étudiez donc avec une technique très particulière, le RTI. En tout cas, est-ce que l'on a de l'écriture aussi ? Alors, dans le travail qui a été fait en lien avec le musée d'histoire, donc qui est l'affectataire des collections et qui présente d'ailleurs le bloc au musée, il y a tout un projet autour d'un travail sur l'image et l'éclairage. Donc le RTI est une technique informatique qui permet de faire jouer la luminosité et l'éclairage, les endroits d'où l'éclairage peut provenir, en fonction évidemment d'un point de vue purement informatique et numérique. Et là, on a donc vu ce graffiti. Il nous semble voir des lettres, mais pour l'instant on n'arrive pas forcément à les déchiffrer. Et il y a d'autres blocs sur lesquels il semble y avoir également des lettres. Donc dans les semaines et les mois à venir, on espère des découvertes là-dessus. En tout cas, déjà, trouver des pentécanteurs à Marseille, c'est assez extraordinaire. Bien sûr, votre fouille n'était pas très loin du port commercial de Marseille, avec ses quais. Des chantiers navals grecs ont aussi été exhumés. Oui, alors ça, c'est la fouille de la place Villeneuve-Bargemont. Donc, il y a eu, à un moment donné, un projet de musée César, et ça a été transformé ensuite. L'espace Bargemont est une annexe de la mairie. Et donc, des découvertes. Alors, on est un petit peu plus tardif, hein. On est plutôt vers la période classique hellénistique. Et avec des restes d'emplacements de bateaux et des néorias, donc des emplacements de bateaux sans doute militaires qui permettaient de les mettre au sec avant, bah, évidemment, d'aller prendre le large et de combattre le cas échéant. C'est là où on a trouvé des billes de bois qui étaient dans une sorte d'eau saumâtre. C'est bien ça. Voilà, il y avait tout un système d'aménagement. C'est des cales où on tirait en fait les bateaux sur le rivage avec des rondins de bois et des délimitations en fait de chaque stalle permettant d'accueillir un bateau. Et curieusement, on y frappait aussi monnaie. On frappait monnaie à Marseille. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Et sur la fouille de la place Villeneuve-Bargemont, a été retrouvé, alors ce qui est probablement pas l'atelier, mais une des pièces qui servait en tout cas à frapper monnaie. Et on a donc cette fouille assez exceptionnelle, là aussi, pour le monde grec, qui est quasiment unique, donc qui permet d'avoir des flancs non frappés, de ce monnayage grec frappé par Marseille. La Méditerranée est régie par une sorte d'économie monde, pour reprendre Fernand Braudel, entre étrusques, carthaginois et grecs. La polis Massalia, donc la cité de Marseille, s'affirme aussi dans son domaine gaulois avec la création et la mise en place de vignobles. Alors ça, c'est ce que l'archéologie a permis de retrouver, effectivement. Alors d'abord des amphores marseillaises, dont on voit arriver la production à partir des années 530, donc plutôt vers la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et puis des traces de vignobles, par exemple, pour citer la fouille de l'Alcazar, on a retrouvé les restes d'un vignoble sur cette fouille, alors qui est un petit peu plus tardif, entre le 5e et le 4e siècle, avant notre ère. Mais voilà, et on sait que dans le territoire, il y avait également de la culture de la vigne, et qui ensuite devait servir à fabriquer ce vin qui était à exporter dans le monde gaulois en particulier. Ça ressemble à des sortes de petites fosses en forme de haricots, c'est ça ? C'est ça. Alors Quand on fouille, on voit une petite fosse, et ce sont les pieds de vigne. Il y a les pieds de vigne, et il y a un système de provignage qui permet de faire repartir une bouture en le faisant repasser par la terre, et donc ça donne des petites logettes assez caractéristiques au moment de la fouille. Et ça, je dois dire que c'est les capacités maintenant qu'a l'archéologie contemporaine, on va dire, de pouvoir retrouver ces vestiges-là qu'on n'aurait jamais pu retrouver, même encore dans les années 60. Ce vignoble marseillais, il va jusqu'où ? Et il concurrence qui ? Peut-être les Étrusques, pas les Romains ? Alors, il va durer dans le temps. Au départ, certainement, le vin étrusque, et on voit dans les fouilles marseillaises, on voit des amphores étrusques, et puis on voit qu'après, elles commencent à disparaître, mais c'est lié aussi à l'histoire des cités étrusques qui progressivement vont s'étioler, et puis au détriment finalement de Rome, enfin, pour l'avantage de Rome. Et puis, après ce milieu-là, certainement, on avait du vin qui devait venir de quand même une bonne partie de la Méditerranée, et pas uniquement de Marseille, mais on peut imaginer que pour le monde gaulois, en tout cas, une partie importante du vin provenait de Marseille et de ses vignobles. Vers 540-530, l'organisation de l'emporia grec est remise en cause. Une sorte de tournant pour l'organisation commerciale et les fonctions de Marseille. Que se passe-t-il ? Alors, il se passe plusieurs événements. Tout d'abord, on a la prise de fossés par les Perses. Donc, c'est le moment où l'Empire perse s'étend et puis va ensuite aller mordre sur les territoires grecs encore plus largement. Et donc, la ville de Fossé est prise. Et donc, il y a une partie de la population qui va quitter la ville. Tous ceux qui ne veulent pas rester sous la domination perse. Et on sait qu'une partie des bateaux, donc c'est Hérodote qui en parle, donc vont venir vers l'ouest, à Lalia en particulier, donc qui est une ville qui était en Corse, une ville phocéenne, fondation phocéenne en Corse. Et puis au-delà, ensuite, à Marseille. L'archéologie a montré qu'il y a, autour des années 550-540, effectivement un accroissement de la cité, une expansion urbaine qui peut être liée à cet apport de population. Il y a aussi la bataille d'Alalia. Alors, une grande bataille qui s'est tenue donc au large d'Alalia, donc au large de la Corse, entre les Étrusques, les Phocéens et les Carthaginois, et qui ont amené les Phocéens, donc qui sont les perdants de cette bataille, qui ont amené les Phocéens donc à quitter Alalia et à aller fonder Velia ensuite dans le sud de l'Italie. Et puis il y a une crise d'un royaume, visiblement. On pense la fin du royaume de Tartessos. Alors c'est un royaume qui est un peu mythique, mais qui a évidemment existé, qui était situé dans le sud de l'Espagne, autour de Gadès et puis Cadix. Donc ce royaume s'étiole à partir du 6e siècle, milieu du 6e siècle, et donc une redistribution finalement des rôles de chacun en Méditerranée occidentale. Marc Bouilleron, avec cette arrivée dans la ville, la cité prend bien sûr de l'ampleur. Est-ce durant cette période que des monuments sont entièrement démontés, voire jetés ? Alors, durant cette période, il se passe effectivement pas mal de choses. Autant on voit que dans les années 540-530, il y a cette expansion de la cité jusqu'à la fin du 6e siècle. Donc, construction d'un nouveau rempart à la fin du 6e siècle. Donc, la ville va englober la butte des Carmes, par exemple. Et puis, on sent qu'il y a ces monuments ensuite qui disparaissent. Celui du Collège Vieux-Port, celui de l'Alcazar, donc qui est entièrement démonté et jeté sans qu'on récupère les blocs, même pour construire autre chose, ce qui est quand même assez exceptionnel, parce que c'était du matériau matériaux qui auraient pu resservir en étant retaillés sous forme de moellons. Donc on sent qu'il se passe quelque chose au début du 5e siècle avant notre ère. On n'arrive pas à le caractériser. On ne sait pas si c'est quelque chose d'endogène propre à la cité, si ça vient de l'extérieur. On sait par les textes, vous citiez Trogue Pompée et son abréviateur romain Justin, on sait que les Gaulois vont se montrer assez finalement menaçants quelques générations après la fondation de la cité. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Les Ségobriges, voilà, qui ensuite disparaîtront de l'histoire. Mais voilà, est-ce qu'il s'agit d'événements extérieurs ou est-ce que dans la cité, finalement, cette refondation de 540, ou en tout cas cet apport de la population de Fossé, va pas modifier finalement des équilibres établis depuis 60 ans, depuis la première fondation en 600 avant Jésus-Christ? En tout cas, cette nouvelle vague de migration partie donc de Fossé se rajoute à la population de Marseille et amène avec elle certaines nouveautés, dont par exemple la monnaie. Alors la monnaie, c'est quelque chose qui se développe à partir du 5e siècle avant notre ère. On a des premiers monnayages qu'on appelle des monnaies de type auriole, avec des premiers monnayages frappés par Marseille. Et puis ensuite, la monnaie va considérablement se développer. Et là, Marseille va être évidemment au cœur d'un territoire finalement qui est... Alors c'est pas un territoire à la mode romaine, hein, c'est pas un territoire terrestre, mais c'est un territoire commercial. C'est sa propre cité qui devient une sorte de métropole après la prise de Fossé par les Perses, et puis d'Emporion sur la côte catalane jusqu'à Antibes, des séries de comptoirs qui ont été fondés et qui vont permettre finalement de commercer avec l'arrière-pays. Dans l'actualité, une des récentes découvertes de l'archéologie à Marseille est une carrière, celle de la corderie, liée justement à l'urbanisme même de la cité archaïque. Alors c'est une des questions. Dans la carrière de la corderie, il y a deux phases. Il y a une phase ancienne qui est archaïque, avec une exploitation du calcaire, sans doute pour la construction. Et puis, il y a une deuxième phase où on creuse et on crée des sarcophages. Donc, c'est une phase un petit peu plus récente du 5e siècle. On s'interroge effectivement sur ces modes de construction. Donc, les carrières de calcaire qui sont de toute façon sur la rive sud, hein, autour de Saint-Victor actuellement. Mais également l'argile, puisqu'on sait que les élévations à cette époque-là étaient en briques crues. Et sur le site de l'Alcazar, on a retrouvé des carrières d'argile qui allaient parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc, des zones d'extraction. Alors ça aussi, c'est totalement unique, c'est inconnu dans le monde grec et c'est totalement unique en France. Marc Bouilleron, Marseille a fait un choix, celui du commerce. À défaut de bons ou de mauvais choix, Marseille n'en fera pas entre deux protagonistes de la guerre civile, César et Pompée, en 49 avant notre ère, et cela sera fatal à la cité. Alors on est bien plus tard, mais on est à la fin de la période grecque, à la fin de cette période d'indépendance. Effectivement, deux généraux romains se disputent ce qui n'est pas encore l'Empire, mais ce qui va devenir l'Empire. Et Marseille décide de ne pas choisir, mais en fait choisit un petit peu quand même Pompée, hein, qui a été le protecteur et qui a beaucoup œuvré dans le sud de la Gaule. Donc du coup, Jules César, dans le cadre de cette guerre civile, fera le siège de la cité, prendra la ville, finira par la prendre. Et en respect avec cette longue amitié entre Rome et Marseille, ne la détruira pas, mais par contre la privera de tous ses petits territoires, sauf Nice. Et que vous avez aussi fouillé. Marc Bouilleron, merci beaucoup. Et puis je rappelle donc le titre d'un de vos livres, « Quand les archéologues redécouvrent Marseille », publié aux éditions Gallimard. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Fabien Capel et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inarab.fr.